Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Bonne nouvelle pour le lanceur québécois Philippe Aumont qui a signé un contrat hier des ligues mineures avec mon équipe, l'organisation des Blue Jays de Toronto. Et on l'a en ligne. Salut Philippe! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Félicitations pour la belle nouvelle dans le cas de Philippe Aumont. Donc tu as décidé de t'accrocher finalement à ton rêve de jouer dans les ligues majeures? C'est pas nécessairement de s'accrocher, mais plus c'est un move qui était à faire par rapport à la carrière qui me reste. Puis je sais que j'avais démontré beaucoup d'intérêt par rapport à l'Asie. L'Asie est toujours bien dans ma mire, là. C'est bien une place que j'aimerais ça aller. Mais pour moi, c'est un contrat où ce que ça me donne l'opportunité de retourner dans le baseball professionnel. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis s'il y a des équipes du Japon, de la Corée qui sont intéressées, mais pour eux, c'est plus favorable d'avoir leur intérêt quand je suis dans une équipe professionnelle que de jouer dans du baseball indépendant où ce que pour eux, il n'y a pas grande signification là, quand tu es indépendant. Donc, Philippe, y avait-il d'autres organisations qui étaient dans le décor? Pardon? Y avait-il d'autres organisations autres que les Blue Jays qui étaient dans le décor? Je pense qu'il y en avait, mais les Blue Jays étaient vraiment front-runner. Là. C'était vraiment l'équipe où ils poussaient extrêmement fort. Puis je parlais avec mon agent, puis je disais, le pro, je pense que c'est pas tout de suite, c'est pas qu'est-ce que je cherche. Moi, je vais aller en Asie, puis ils continuent à m'appeler, ils continuent à me dire « Phil, les Blue Jays m'ont appelé Phil, les Blue Jays m'ont appelé Phil, les Blue Jays m'ont encore appelé ». Fait que c'est une équipe qui a vraiment poussé. Les autres équipes, puis je pense que quand je leur ai dit non, ils ont peut-être fait OK, c'est bon, merci. Puis ça a juste arrêté là. Mais les Jays étaient vraiment persistants. Puis quand on a commencé à discuter, tout s'est bien aligné. Puis j'ai dit let's go, on y va, on signe, puis on passe l'aventure. Est-ce que ta participation, après la saison, il y a eu un tournoi à Cuba, pas à Cuba, mais je veux dire en Asie pour les Olympiques, ta performance contre Cuba, c'est à partir de ce moment-là que tu as convaincu plusieurs organisations? Oui, puis non. C'est sûr que c'est peut-être venu confirmer. Je sais que pendant l'été 2019, j'ai eu quand même beaucoup d'intérêt. J'ai eu des équipes, des gens qui m'appelaient pour retourner, pour possibilité de retourner. Mais je trouvais que j'étais à une bonne place. J'avais un mandat lanceur-entraîneur que je voulais pas délaisser au nouveau gérant. Puis je pense que c'est venu confirmer quand j'ai eu j'ai eu un bon mois de novembre avec l'équipe Canada. Les équipes ont fait OK, mais au mois de novembre, ça fait deux mois qu'il n'a pas lancé. Dominique Cuba, il est à bonne place en ce moment. Philippe, donc ce contrat des ligues mineures, normalement, tu devrais te rapporter au camp des Bisons de Buffalo, c'est bien ça, puis avec une invitation au camp d'entraînement. Oui, fait que là, la façon que ça fonctionne, c'est j'ai un contrat des mineurs avec une invitation qu'un des majeurs. Fait que le deal des mineurs, c'est un peu genre un two-way hockey. C'est où est-ce que le joueur, il va pas faire le grand club. Fait que c'est ça dans ma situation. Ça se peut que je fasse pas le grand club. Si je fais pas le grand club, je fais un club école, soit les Bisons ou soit dans un autre niveau, peu importe. Mais tu t'en retournes les mineurs. Mais il y a possibilité que je fasse le grand club. Puis c'était la beauté des choses quand on a discuté. T'sais, ils sont comme Garfield. T'as autant de chance que le gars à côté de toi, viens-t'en prêt, puis montre-nous ce que t'as à faire, puis si ça nous plaît, t'es avec nous autres. T'as parlé de l'Asie tantôt, si ça marche pas. Est-ce que la Ligue, là, c'est plus la Ligue, la Ligue Pioneer, les Capitals sont, puis les Aigles de Trois-Rivières, là, Frontier. Flink Frontier. Est-ce que ça, c'est encore une possibilité? Parce que Il me semble que c'est 13 ou 14 équipes, ça, c'est beaucoup mieux que 6 équipes comme c'était avant. J'imagine qu'ils vont avoir peut-être des meilleurs salaires. Est-ce que ça, c'est encore une possibilité, ça? Oui, ben oui, certainement. Tu sais, c'est, je vais probablement, je vais lancer au moins une fois dans ma vie avec Québec. OK. C'est une chose que j'ai joué quelques années à Ottawa, puis... chaque fois, j'ai signé à Ottawa, j'aimais bien Ottawa, mais j'étais comme, Colin, pourquoi j'ai pas signé à Québec? On aurait dû signer à Québec. J'aime bien Québec, j'aime leur stade, j'aime la foule. La ville est incroyable, c'est vraiment une belle d'histoire. Puis, à chaque fois qu'on va là, quand on est sur la route, on va tout le temps se promener. Puis, je suis comme, my god, ça aurait pu être genre. J'aurais pu faire partie de l'équipe locale, mais tu sais, c'est pas un gros, mais non, c'est vraiment pas. Il y a vraiment pas, les chemins sont vraiment pas coupés, puis j'aimerais bien ça être lancé au moins une fois dans ma carrière là, avec une forme de capitale. OK. Dernière question, Philippe. J'ai suivi ta carrière dans le baseball majeur. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand les Phillies, les Mariners t'ont échangé aux Phillies, les Phillies ont voulu te transformer en releveur, par la suite t'es revenu partant, t'es revenu releveur. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on t'a pas vraiment étiqueté une chaise? Puis ça a nuit à ta carrière, puis c'est deux rôles totalement différents. Puis là, c'est là que tu as perdu confiance, puis une fenêtre, ça s'ouvre pour un joueur, quand la fenêtre est ouverte, faut que tu rentres dedans, sinon quand elle se referme, c'est très difficile par la suite. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus que c'est ça qui est arrivé? Oui, je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, c'est... oui, les Phillies ont un rôle, en fait, de « OK, on aimerait ça que tu sois dans ce type de lanceur-là, ou peu importe. Hein. » Mais je pense que la grosse partie, elle faisait partie de moi, c'était moi-même. C'était moi qui combattais mon identité, genre, tu sais, je savais pas vraiment j'étais qui, j'avais pas vraiment quelle sorte de lanceur, genre, je peux être, puis... c'était vraiment genre une bataille entre moi-même qui a jumelé la bataille un peu des Phillies qui ok, lanceur partant, lanceur de relève, lanceur partant, lanceur de relève, on aimerait ça que tu baisses ton bras, là, tu montes ton bras, on aimerait ça que tu lances un certain lancer, des choses comme ça. Pas savoir t'es qui, puis avoir plein de suggestions comme ça, c'est juste une recette à désastre. Ouais, effectivement. Puis un lanceur comme toi, Phil, t'es à quoi? Tu mesures 6 pieds 7, 6 pieds 8, j'imagine? 6 pieds 7. Ouais, 6 pieds 7, c'est plus long à développer aussi. Ah, ben c'est plus long à développer, oui. C'est chacun son développement. Ouais. Chacun sa manière. Il y en a des gars qui sont plus petits, qui ça leur prend du temps, eux aussi, puis il y en a des gars qui sont plus grands, qui sont capables de dealer avec qu'est-ce qu'ils ont. Comme je t'ai dit, c'est la grosse bataille, c'est la bataille d'identité, de savoir qui tu es, puis d'être capable d'être ton préventeur dès le début. Puis après ça, t'es capable de faire des ajustements toi-même. Ouais. Fait que c'est un peu là que ça part. Oui, je l'ai catché un peu là, 29, 30 ans, mais il reste encore du temps pour que je fasse du dommage. Fait que, on est correct. Phil, un gros merci. On se reparle bientôt pour voir au camp des Jays de Toronto. Merci beaucoup. Là. Philippe Aumont qui a signé un contrat hier avec les Blue Jays de Toronto.